Qu'est-ce qu'on peut voir de beau dans l'animation pendant ces vacances? En fait, pas grand-chose, c'est les vacances. Donc on va le 20 juillet voir un petit film un peu inconnu qui s'appelle Cendrillon, un film des studios Walt Disney, 1950 en version restaurée. Allez, faut peut-être aller le voir, non pas pour son histoire, mais peut-être pour des beaux moments d'animation, Sébastien? Peut-être pour se demander pourquoi Cendrillon a les jambes aussi courtes sur l'affiche. Je pense qu'il y a eu un problème avec l'infographiste qui a repris le dessin de départ. Ou alors elle a les pieds bétonnés dans le sol, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre. C'est ça les animateurs, ça trouve des choses que personne d'autre ne voit. Tu rigoles. Dans le métro, ça m'arrache les yeux tous les 3 mètres. Voilà, donc faites attention maintenant quand vous voyez l'affiche. Allez voir Madagascar. Le 27 juillet, on en a parlé à ce micro en disant qu'il fallait voir Madagascar, qui était un retour au cartoon. N'allez pas voir Madagascar. On êtes-vous vraiment sûr qu'il fallait On en reparlera un autre moment, je me dépêche pour finir. Le 27 juillet, il y a Le Monde Fabuleux de Gaïa, un film allemand dont vous pouvez vous passer. Ensuite, il y a le 31 août, un film qui s'appelle Appleseed, un film japonais d'après Masamune Shirow, d'après un manga, un film qui mélange plusieurs techniques et notamment le cel shading qui fait que d'image 3D, on la passe en image 2D, donc on passe de volume, du volume, on l'aplatit et ça fait comme du cartoon. Imaginez Final Fantasy, si vous l'avez vu, imaginez Madagascar, des choses comme ça, oups, aplati, et ça donne un côté un peu 2D. C'est pas inintéressant, c'est pas magnifique, mais c'est pas inintéressant. C'est aussi et surtout l'adaptation d'une bande dessinée de Masamune, à très grand succès. Voilà, tout à fait. Au Japon. Voilà. 1er août, côté DVD, on arrête le cinéma, alors là, en 2 minutes, je vais tout vous faire. Côté DVD, le 1er août, c'est La Ferme des Animaux de Alas et Bachelor qui ressort en édition collector, très très belle. Le lundi 8 août, Opération Wildside, animation asiatique. Profitez-en parce que pour 15€, vous allez avoir Horus, le Chaboté, le Serpent Blanc et les Jouets Pirates de l'Île au Trésor. 4 très beaux films. Le 10 août, ne sortez pas votre porte-monnaie pour Pinocchio le robot en DVD, ça ne vaut pas la peine. Le 17 août, même si je ne suis pas un fan du film, Les Contes de l'Horloge Magique est une compilation des films de Starevitch, où on a rajouté une bande-son, quelque chose moi qui me gêne un petit peu. Si vos enfants ont du mal avec les films muets, quand même, achetez ce DVD, parce que Ladislas Starevitch est sûrement l'un des grands génies du monde de l'animation. On finit avec Qui est la petite peste le 17 août. Voilà, ça c'était pour l'animation. J'avais oublié Bob l'éponge, c'est pas très grave. Et Tarzan 2 non plus. Voilà, Bulle de rêve, c'est fini. Sébastien, un petit mot rapide. Oui, dans la série DVD, puisque il est vrai qu'il est pas évident pour moi qui fait une grande introduction sur les films de l'UPA de donner un ordre d'idée de ce à quoi ça peut ressembler. Je tiens à informer le fait que sur l'édition américaine, l'édition collector de Hellboy, ce film à succès distribué par la Columbia il y a peu, on peut trouver plusieurs films de la UPA dans les suppléments. Dans l'édition double DVD collector, ainsi qu'un autre film toujours en anglais en édition américaine, les 10 000 doigts du Dr. T, les 1000 doigts du Dr. T, les 10 000 doigts du Dr. T, les 10,000 fingers of Dr. T, avec Hans Conried dans le rôle de Dr. T, lui-même quelqu'un très connu à l'UPA. Couper Sébastien, je suis désolé. Des films d'animation dans les suppléments. Voilà. Je suis désolé de couper Sébastien. Voilà, Bulle de rêve, c'est fini. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission pour écouter tranquillement et celle des mois précédents sur le site de Bulle de rêve. Je répète rapidement http://www.thewebanim.com/bulle de rêve avec un S à bulle sans S à rêve .htm. Pareil, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir sur thewebanim.com, vous trouvez Bulle de rêve. N'hésitez pas à nous envoyer des mails aussi si vous avez envie à info@thewebanim.com. Encore merci pour Judith Delvincourt pour sa programmation musicale. On se retrouve à la rentrée avec plein de choses extraordinaires. Le prochain Burton, voilà, c'est Gromit, etc. Plein de bonnes choses. Encore merci à nos invités. Merci. Bonnes vacances et surtout animez-vous bien.